j'ai pour toi, mon cœur jaillit, oh, je pourrais me tuer. Bolingo, bolingo angai na yo, motema pasi, na koki komi bomba. On peut me tuer, on peut me condamner à mort, je serai à toi jusqu'à la mort. Wapi migeyo yo, anto wapi mongo chanda.